Le club de théâtre du Collège de la Chénois présente. Courage, la grande panne arrive. Première partie, les amants diaboliques. Scène 1. Nous sommes dans un jardin en plein été. Kelly prend le soleil sur une chaise longue en sirotant un jus de fruits avec une paille et en faisant des mots fléchés. Ce terme, cette lettre. Soudain, c'est Kevin, son mari, qui s'est persuadé qu'il devait abattre un cerisier dans le fond du jardin. Légèrement inquiète, Kelly pose son magazine sur la table, se lève et se dirige vers le fond du jardin. Kevin ! Ça va, Kevin ? Réponds-moi, s'il te plaît ! Mais quelque chose l'arrête. Elle revient pour écrire un mot qu'elle cherchait depuis une heure. Ce terme, cette lettre, écrasée ! Puis elle disparaît vers le fond du jardin. Un homme surgit alors d'un buisson. La quarantaine, mal rasé, l'air de quelqu'un qui a mal dormi depuis des années. Il porte un imperméable froissé et un chapeau mou. Une vraie caricature d'inspecteur de police. Pas étonnant, puisque c'est l'inspecteur Le Naze. Il brandit une rallonge électrique. Une rallonge ! Une simple rallonge, et ce n'est pas fini. Scène 2. Une journée a passé. Kelly est toujours dans le jardin sur sa chaise longue, mais elle ne joue plus aux mots fléchés. Elle raconte la scène de la veille au téléphone à Kenza, sa meilleure amie. Je l'ai aperçu. Il était. Allô. Pourriture de réseau. L'inspecteur Le Naze apparaît sur l'avant-scène. Je sais, la panne de réseau. Ça arrive à tout le monde. Justement. Et attendez de voir la suite. Scène 3. À présent, Kenza a rejoint Kelly dans le jardin. Elles prennent le thé. Un répéteur ? Demande Kenza. Oui, un répéteur. Répond Kelly. C'est une sorte d'amplificateur qui aspire les ondes et les restitue pour avoir du réseau. C'est ça qu'ils vont m'installer. Ah, qui aspire les... Elles se figent toutes les deux. L'aspirateur! Tu l'as reçu? Hier. Alors? Addictif. Marcelin a raison. En inaugurant sa famille, ses enfants, sa meilleure amie et sa voisine. Je ne t'en peux pas, mais quand même, tu aurais pu tout simplement franchir la barrière et me le montrer. Un aspirateur balai, c'est quand même pas lourd à transporter. Je sais bien, mais avec ce problème de frein, j'ai passé un temps fou chez le garagiste. Ah oui, les freins de la voiture qui étaient sur le point de lâcher. Mais c'est pas un peu gros cette histoire? Pas du tout! Tu te rends compte? Une voiture neuve! Finalement, j'ai bien fait de la faire cette révision. J'ai profité que c'était gratuit. Oui, c'est gratuit. Mais il trouve toujours quelque chose de réparé. On a preuve. Les freins. Tu es venu pour Kevin, c'est ça? Tu es venu pour savoir ce qui lui est arrivé? Pas seulement, mais c'est vrai que j'aimerais bien. Tu aimerais bien quoi? Satisfaire ta curiosité morbide, c'est ça? Non, mais prends pas comme ça. Simplement, cet appel interrompu et ensuite plus moyen de te joindre. Ça reste là, sur l'estomac. Ça prend la tête, quoi. Et tu crois que c'est mieux de rester avec une phrase coincée là, en travers de la gorge? On voudrait pouvoir hurler, mais personne à l'autre bout pour vous entendre. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais à chaque fois t'étais en dérangement. En dérangement? Exactement, j'étais en dérangement. Et puis moi aussi j'ai essayé de t'appeler, mais plus de réseau. Je voulais te dire de passer parce que le téléphone c'est pas possible. Mais justement, je ne pouvais pas te le dire au téléphone, comme ce n'est pas possible. Le cauchemar. Oui, le cauchemar. Et maintenant te voilà, là, les yeux tout globuleux, les narines béantes, la bouche qui bave, pour bien profiter du drame, te badigeonner les gencives avec le malheur des autres. Mais t'es barjo? Tu me prends pour qui? Et puisque je te dis que je ne suis pas venue que pour ça, et pourquoi d'autre? Vas-y, ça m'intéresse. Eh bien, pour l'aspirateur. L'aspirateur? Je vis un drame affreux et madame vient me parler d'un aspirateur. Mais j'en ai rien à foutre de ton Roventa. C'est pas un Roventa, c'est un Dyson. C'est pas un Roventa, c'est un Dyson. Précision très importante. Bah oui, parce qu'au départ, j'avais pensé acheter... Le V10. Non, le V12. Oh, 2 heures d'autonomie. 2 heures? Non, inutile de poser la question. Je te réponds directement. Tu vas l'essayer. Tu vas l'essayer. Kelly semble dans un état second, comme hypnotisée. Kenza l'entraîne vers la maison. Tu vas l'essayer, tu verras, c'est génial. C'est addictif. Elles sortent. L'inspecteur Lenaz réapparaît. Et ce qui est arrivé à Kevin, on ne le saura pas. Donc, récapitulons. Il sort un carnet et se met à noter. Il provoque des accidents en se mettant en travers du chemin. Ou alors, il se met en travers de la conversation, en la coupant ou en la parasitant avec des problèmes matériels. Il voudrait noter d'autres mots, mais son crayon ne fonctionne plus. Après plusieurs essais infructueux, il le jette nerveusement. Ah, il faut que j'aille chercher un crayon et un œuf. Il sort, puis revient sur ses pas. Quoi? Vous n'êtes pas convaincu? Eh bien, vous l'aurez voulu. Il quitte le jardin. Scène 4. Apparition de Kevin avec des béquilles et la tête couverte de pansements. Il fait de grands signes vers la coulisse. La tondeuse s'arrête. Kilian, le voisin tondeur, apparaît. Il semble un peu dépressif. Ah, t'es sorti. Donc ça va mieux? Ah, mec, le tout-bib a dit que j'étais solide comme un chêne. Et comme c'est un cerisier qui m'est tombé dessus, c'est moi qui ai gagné. Ah bon ? Oui, enfin, sinon c'était simplement pour te dire que c'est bien que tu tombes. Ah bon ? Oui, c'est bien pour toi, ta femme, tes enfants, c'est super. Je suis vraiment content que tu tombes. Ah, tu veux dire, tu es au courant ? Bah oui, forcément, je suis ton ami. Presque un mois et demi, saloperie de lanceur, j'y ai passé toutes mes soirées, tous mes week-ends, j'en ai pas dormi. Mais j'ai pas lâché, tu entends ? J'ai pas lâché. J'aurais pu le porter chez le dépanneur, mais je voulais pas. Je voulais l'avoir moi-même, surtout ce fumier de ressort qui ressortait juste quand je voulais remettre le carter. Ah, la pourriture ! Mais je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Oui, oui, oui, tu l'as eu ! Calme-toi, maintenant, c'est fini, tu tombes. Oui, je tombe. Enfin, j'allais commencer. Ah oui, désolé. Il s'éloigne, puis revient. Super, on est tous contents pour toi. Il sort. Quant à Kylian, il retourne dans son jardin. Kevin réapparaît. Il observe de loin, avec inquiétude. Kylian réapparaît à son tour, tenant à la main la corde du lanceur brisée. Scène 5. Le jardin est à présent embrumé par une épaisse fumée. On devine la présence d'un groupe de badauds, éclairé par la lumière intermittente des gyrophares, et qui observe le jardin voisin. Des pompiers traversent la Seine avec un tuyau d'arrosage. Entrée du reporter à l'indiscret. Il s'approche du groupe de badauds. S'il vous plaît, à l'indiscret, El Chinois déchaîné, la chaîne qui se déchaîne pour vous enchaîner. Vous avez assisté à la scène, je peux vous poser des questions ? Kevin se détache du groupe. Oui. Alors je vois que le feu est en train de terminer sa triste besogne. Une catastrophe ! Une si belle maison ! Un beau plein pied. Un plein pied de 3 étages ? Oui. 3 étages ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tout s'est effondré, il y a 5 minutes. D'accord, mais au départ. Le lanceur ! Le lanceur ? Oui ! Le lanceur de la tondeuse ! Pas moyen de redémarrer ! Alors Kylian s'est acharné sur le lanceur ! Kylian ? Le voisin ! Celui qui engueule les pompiers, là ! Donc Kylian a tiré sur le lanceur ! Et il l'a bloqué ! Alain discret sort un carnet et un crayon de sa poche, et se met à noter. Donc, le lanceur de la tondeuse, ok ? Et... Je l'avais prévenu ! Ne surtout pas démonter le lanceur ! Ah ! Il a démonté le lanceur. Et pourquoi ne peut-il pas démonter le lanceur ? Pas à cause du ressort ! Le ressort ? Oui ! Surtout quand on a sa fille sur le toit. Sa fille sur le toit ? Oui, Kimberly ! C'est une chichicote dans l'herbe, là-bas. Elle était en train de téléphoner à son petit copain. Enfin, son ex... Parce que du coup, ils se sont fâchés et ils sont plus ensemble. Elle a dit un gros mot, il l'a pris pour lui. Donc Kimberly et son petit copain se sont fâchés. Sur le toit. Oui, ils ont pas de réseau, alors la fille monte sur le toit. Y a que là qu'on peut téléphoner. Enfin, maintenant, ça va être dur. Le journaliste écrit sur son carnet. Donc, téléphonant sur le toit en l'absence de réseau. Et le rapport avec la tondeuse ? Le ressort ! En plein dans l'œil. Et du coup, boum, sur la tête de Kylian. Boum. Faut se mettre à sa place. Un mois et demi pour réparer sa tondeuse à cause d'un ressort qui veut pas rentrer dans son logement. Et quand la tondeuse est réparée, voilà que monsieur le lanceur retombe en panne. Moi j'aurais fait la même chose. Tête la première dans le bassin au poisson rouge. Le poisson rouge. Et le boum, c'est quoi? Ben, le téléphone portable de Kimberly. De colère, elle a jeté dans le bassin. Et boum, sur la tête de son père. Ah, d'accord. Mets le feu. Et ben, à cause du cri. Le cri. Le cri de Kimberly. Kenza est en train de préparer des frites. Parce que le copain, enfin, l'ex-copain de Kimberly n'aimait que les frites. Un gros con. Et il devait venir. Kenza, c'est la maman de Kimberly, l'épouse de Kylian. C'est celle qui ne gigote pas. Ah, d'accord. Eh bien, Kenza a sursauté. Elle a renversé une partie de la friteuse, s'est brûlé le pied au deuxième degré, a jeté la friteuse sur le gaz en hurlant. Et Carlos, avec un K, le fils qui était en train de gérer son site de téléchargement illégal, eh ben, il a cru que c'était une sirène de police. Pensant qu'on venait l'arrêter, il s'est évadé en sautant par la fenêtre dans le jardin du voisin. Il s'est caché une jambe. Le voisin a cru que c'était un voleur qui voulait s'échapper. Il lui a tiré avec son fusil de chasse. Sur l'autre jambe. Ah, pendant ce temps, la friteuse, oubliée sur le gaz allumé, a décidé de s'enflammer. Et vous devinez la suite. Attendez, vous allez un peu vite. Vous pourriez arriver. Ah ben voilà, ils ont réussi. Ils ont réveillé Kiki. Kiki. Le bébé. Super bébé à son papa. J'ai mis une heure pour l'endormir. C'est marrant. Oui, Kiki, je suis là. Kevin sort. Resté seul, le journaliste essaie de mettre un peu d'ordre dans ses pensées et ses notes. Kiki, la friteuse, téléchargement illégal, Kimberly, Carlos, Kenza, je m'y perds. Mais son crayon tombe en panne. Ah, oh, c'est pas vrai, tu vas pas me laisser tomber, toi. Le naze, qui observait la scène depuis un moment, lui tend le crayon qu'il vient d'aller chercher. Essayez celui-là, il est neuf. Le reporter prend le crayon et l'essaie. En vain. Mais il va pas votre crayon, il est neuf. Il rend le crayon et sort. À quoi ça sert de me prêter un crayon en panne? L'inspecteur Le Naze observe longuement le crayon en panne. Un crayon tout neuf, en panne? Qui plus est un crayon à papier? Cette fois, je crois que je l'ai, ma preuve. Les objets nous veulent du mal. Personne ne peut le contester. Ni vous, ni Amanda Daré, la commissaire divisionnaire.